Ah ah les parents, ah ah c'est embêtant. Ah ah les parents, ah ah c'est embêtant. Maman me dit brosse-toi les dents. J'ai pas envie et j'ai pas le temps. Je préfère jouer à la console. Je m'en fous demain, je vais pas à l'école. Ah ah les parents, ah ah c'est embêtant. Ah ah les parents, ah ah c'est embêtant. Papa me dit de ranger ma chambre. Non ça va pas car je viens de descendre. Je préfère aller dans le jardin, jouer au foot avec les copains. Ah ah les parents, ah ah c'est embêtant. Ah ah les parents, ah ah c'est embêtant. Ah ah les parents, ah ah les parents. Ils voudraient toujours qu'on soit chouette, en pantalon et en chemisette. Moi je préfère traîner en survette, être bien à l'aise dans mes baskets. Ah ah les parents, ah ah c'est embêtant. Ah ah les parents, ah ah c'est embêtant. Occupe-toi donc de ton petit frère. Tu crois vraiment que j'ai que ça à faire? Je suis déjà bien occupé. Je compte mes doigts, je me cure le nez. Ah ah les parents, ah ah c'est embêtant. Ah ah les parents, ah ah c'est embêtant. Prépare-toi, on va au musée voir une exceptionnelle expo. J'aurais préféré un ciné, et pourquoi pas un petit McDo. Ah ah les parents, ah ah c'est embêtant. Ah ah les parents, ah ah c'est embêtant. Mais je suis quand même bien content d'être le fils de mes parents, car sans leur participation, j'aurais pas fait de parc d'attractions. Et le soir, quand j'ai du chagrin, je peux compter sur leur câlin. Ah ah les parents, ah ah c'est embêtant. Ah ah les parents, ah mais que c'est marrant. Ah ah les parents, ah ah c'est embêtant. Ah ah les parents, ah mais que c'est marrant.